kill pigs. Perks on beat. Sip dog. Cześć, to dobrym odbroni zawsze gif, czy gif. Ty gaz to nowy sypen pif. Lały sypało, ty gafu piruety. A rentę ferdę pono. Lecz się ta ta oferty pije wer. Słuchaj warto, was interesant. Po to mam batary. Kut prost do te tempo. Oh, oh, spracik, czy rap violent. Hardcore, kompelny sur vivant. Sors le mic, mon jacques d'état. Et la bac, amande hardcore sous effet cognac. Lyrical, music, béto dans les boîtes. Ce doc est arrivé, merde. Chance, quand il a célébré la victoire de ta défaite freestyle. Pour réchauffer la planète, interdit d'achat par mon banquier. T'inquiète pas l'état, je vais les faire banquer. Les verrous de RAP, je vais les déposer. Pitbull de la vie, enchaîne depuis petit. Je rigole jamais parce que la vie m'a mis en sursis. Devant le prof, je rigole. Le plus grave français, c'est plein de gogol. Nique la musique, moi je fais le pactole. Parfois, je l'ai lâché en mongol fier. Un coup de plus, t'es plus mon ami. Je suis un mec fier. Mon hardcore te salue. Si ce temps dans mon autre les arts, tu kiffes, te casses dans l'envie, c'est plein de bif. La rue, c'est paro, fais gaffe aux pirouettes et arrête de faire des phonos. Le chétat t'a offert tes billets verts sur un plateau. Quantitaire se sent comme ton monde attaré. Coup de crosse dans tes tempos, bro. Oh, je pratique du rap violent. Hardcore, comme Kelly sur Big Boss. La racaille m'acclame, les jaloux me réclament. Viens, viens par ici, que je t'arrache ton âme. La foute de tête, ta tête, tous les jours y'a que des tapettes. Ça roule qu'il sait, recalé par les têtes. Hardcore, te fais vomir avec un calme sous les draps gros. Enfermé, tu sers, shoot sur le commissaire. Tu débarques en pollue dans l'atmosphère. J'arrive en retirant le dos. Toujours au pied pour un tête-tête. La haga ça paye pas, une batringue, reste une batringue. Des histoires de pute, pas un. Tais-toi, prie, appelle-moi le parrain. Tu veux la traduction de mon blast. Écoute, non, on boycotte l'état, t'es qu'un fils à papa. Le haram, ça paye pas, c'est le deal. Pourra y remédier, tu frimes, n'est que ta esquinette. Si tu dors dans mon autre, les arts, tu kiffes, te casses dans la vie, c'est plein de bif. La rue, c'est paro, fais gaffe aux pirouettes et arrête de faire des tonneaux. Le chétat t'a offert des billets verts sur un plateau. Quand il se sent comme ton monde attaré, coup de crosse dans tes tempos, bro. Oh, je pratique du rap violent. Hardcore, comme Kelly sur Bigot. Là, t'es pas là, quand je sors mes coups, t'assumes pas. Quand t'es doux, non, est dur. Un feu de hagal, une grosse torture. Des rimes malsaines, j'rappe trop vrai. Demande à l'assassin qui est le vrai. Entre moi et les aliens, les oiseaux ne volent pas avec les pigeons. Trop traîtres, trop jaloux, veulent me la mettre. Coup de baguette, coup de crosse, balayette. J'suis pas un rappeur, arrête de faire la starlette. La bière contre-attaque, coup de poule à la patate. J'dors jamais, appelle-moi l'insomniaque. Une raison, n'en cache pas. Une autre, j'ai les nerfs. Dis-moi à qui est la faute. J'rentelle un vautour, j'rappe, parmi les briques qui courent. Coup d'arnaque à la Rocancourt. Si ce temps dans mon autre, les arts, tu kiffes, te casses dans l'envie, c'est plein de bif. La rue, c'est paro, fais gaffe aux pirouettes et arrête de faire des tonneaux. Le chétat t'a offert des billets verts sur un plateau. Quand il se sent comme ton monde attaré. Coup de crosse dans tes tempos, bro. Oh, j'pratique du rap violent. Hardcore, comme Kelly sur Bigot. C'est The Dog.